Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 30. De l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie. Nécessité de l'Annonciation. Un ange devait être employé pour ce message. Sous quelle forme il devait apparaître? De l'ordre qui fut suivi. 1. Était-il nécessaire d'annoncer à Marie le mystère qui devait s'accomplir en elle? L'autorité de l'Écriture est suffisante. L'ange lui dit, « Voilà que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils. » Luc 1, 31. On peut signaler dans le fait de l'Annonciation plusieurs sortes de convenances. L'union du Fils de Dieu avec Marie devait, pour suivre l'ordre légitime, se former dans l'âme de la Vierge avant de s'accomplir dans son sein, et c'est ce qui fait dire à saint Augustin, Marie fut plus heureuse en recevant la foi du Christ qu'en concevant sa chair. La maternité n'aurait été d'aucun avantage pour elle, si elle n'avait pas porté le Christ dans son cœur plus heureusement encore que dans ses entrailles. Instruite par Dieu, elle pouvait rendre un témoignage plus assuré du mystère de l'incarnation. Le message de l'ange lui fournit pour elle-même l'occasion d'offrir à son Dieu l'hommage de sa soumission volontaire, lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Enfin, l'Annonciation nous révélait qu'une sorte de mariage spirituel allait s'établir entre le Fils de Dieu et la nature humaine, et c'est pour cela que le messager du ciel attendit que Marie eût donné son consentement, au nom de la nature humaine tout entière. 2. L'Annonciation a-t-elle dû être faite par un ange? Il est écrit, « L'ange Gabriel fut envoyé de Dieu ». Etc. Luc 1, 26. La Providence veut que les choses divines soient transmises aux hommes par l'intermédiaire des anges. Un mauvais ange avait contribué à la ruine du genre humain, un bon ange devait aider à sa réparation. Il y eut toujours une sorte d'alliance entre les esprits angéliques et la virginité, car vivre dans la chair sans en subir les atteintes, c'est vivre de la vie du ciel. Pour ces trois raisons, il convenait qu'un ange annonçât le mystère de l'incarnation à la Vierge que Dieu avait choisie pour sa mère. 3. L'ange Gabriel devait-il apparaître à la bienheureuse Vierge sous une forme corporelle? L'ange dut apparaître à Marie sous une forme corporelle, pour plusieurs raisons. Premièrement, il venait annoncer que Dieu, invisible de sa nature, allait devenir visible par l'incarnation. Pour mieux exprimer ce mystère, il prit lui-même la forme d'une créature visible. Deuxièmement, la bienheureuse Vierge allait recevoir, non seulement dans son âme, mais dans son sein, le Fils de Dieu. Une si grande dignité demandait que son âme et ses sens extérieurs fussent en même temps fortifiés par une vision angélique. Troisièmement, l'existence du mystère de l'incarnation s'établissait par là avec plus de certitude, les choses sensibles nous impressionnent plus que celles qui frappent seulement notre imagination. Sur le point de recevoir la révélation du plus grand des événements, dit saint Jean Chrysostome, la Vierge avait besoin de voir clairement le messager qu'il annonçait. Note. Son trouble s'explique par l'apparition imprévue d'une puissance supérieure et par sa modestie virginale. Il appartient aux Vierges, dit très bien saint Ambroise, de trembler à l'approche des hommes et de redouter tout entretien avec eux. D'autres prétendent qu'accoutumée à des visions angéliques, elle fut troublée, non par l'aspect de l'ange, mais par l'annonce à laquelle elle était loin de s'attendre, n'ayant jamais songé que de si grandes choses dussent s'accomplir par elle. Ils font remarquer que, selon l'Évangile, Marie fut troublée à la parole de l'ange, et non à sa vue. Fin de la note. 4. L'Annonciation a-t-elle eu lieu dans un ordre parfait? Les choses qui viennent de Dieu sont bien ordonnées. Romains 13, 1. L'Annonciation se fit donc dans l'ordre le plus convenable. L'ange excite, en premier lieu, l'attention de Marie par cette parole, pleine de grâce. Il lui fait ainsi pressentir qu'elle est digne de concevoir le Fils de Dieu, ce qu'il confirme en disant, « Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » En second lieu, il instruit Marie du mystère de l'incarnation qui doit s'opérer en elle, « Vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils qui sera grand. » Bientôt il fait connaître le mode d'une telle conception, « L'Esprit Saint viendra en vous. » Il s'agit enfin d'obtenir le consentement de Marie, et c'est à quoi il s'applique en prouvant, par l'exemple d'Élisabeth et par une raison puisée dans la toute-puissance divine, la possibilité d'une conception miraculeuse. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.